présenté par Greenland et Evenco. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, en ce lundi 18 novembre, bienvenue à l'émission Le Terminus, Jean-François Lusignan avec vous. On est ensemble pour une heure de rock indépendant, d'indie rock. Ce soir, j'ai un invité, Navet Confi, qui sera avec nous dans quelques minutes pour nous parler de, ben, en fait, de son méga lancement de la semaine dernière. Donc, trois nouveaux albums plus une compilation. On va en parler dans quelques instants. La liste des chansons qui tournera ce soir, également l'entrevue, sera disponible sur le CISM893.ca tout de suite après la fin. Avant de commencer, je voudrais revenir sur une chanson que je vous ai fait tourner en début d'émission la semaine dernière. C'était la nouvelle chanson de Comme un homme libre qui s'appelle Pop, et j'ai fait un commentaire un peu. J'étais victime d'une hallucination auditive. Je lui ai dit que ça parlait de coke. Mais non, c'est de pop dont on parle dans la chanson. Vous allez le constater. Je vous refais tourner le début de la chanson pour vous bien constater quelles sont les paroles qui ont été confirmées d'ailleurs par le groupe. Donc on écoute à l'instant Comme un homme libre, la chanson Pop, et ensuite on est avec Navet Confi. Je fais la coque dans un garage. n'avait confié. Et la chanson « Tu danses bien » qui se retrouve sur son nouvel album LP6 avec un titre assez long. Bonjour, je suis même en compagnie. Ça rentre même pas dans un tweet. Non, le titre, il y a plus que 140 caractères là-dedans, je pense. Oui, tout à fait. La personne que vous entendez, c'est Navet Confi. Salut. Salut, alias Jean-Philippe. Oui. On peut t'appeler Jean-Philippe? Oh, comme tu veux, Robert aussi. OK, je me sentirais bien. Ajoute ta bras. OK, d'accord. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Fatigué de toutes ces activités promotionnelles? Oui, ben j'avais pas mal de shows la semaine passée, puis là, ça retombe un peu là. Mm-hmm. Ça va faire du bien. Parce que, en fait, t'es dit ça à l'émission, c'est ça, surtout ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de toi. Oui. Tu sortais mardi dernier 3 nouveaux albums, plus un best-of, mm-hmm. spectacle lancement aussi samedi dernier. Oui. Mais peut-être on préfère un retour, on pourrait y aller à l'envers. Dans le fond, okay. Là, ça fait 4 ans que t'as pas sorti un album complet. Oui. C'est quelque chose comme 2009, hein? Oui, c'était en septembre 2009. LP3. Septembre, octobre, je me souviens plus. Papier Vampire. Oui. Et mais dans le fond, il s'est passé quand même des choses dans les 4 dernières années. Ah oui, je peux rester assis à rien faire. Non, c'est ça. Parce que souvent, on associe, on met beaucoup d'emphase sur les albums. Oui. Mais t'as quand même sorti de la musique là, Je me suis promené pas mal, puis j'ai travaillé avec beaucoup de monde. J'ai fait d'autres choses que de la musique, mais en fait... J'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Mm-hmm. On peut commencer par ça peut-être? Oui, ben tu vois, j'ai fait beaucoup de conceptions sonores pour le théâtre, puis d'accompagnement sur scène pour des shows. Mm-hmm. Je suis dans un show qui s'appelle « Jusqu'où te mènera ta langue ». Moi, j'ai parti d'une compagnie de théâtre avec Olivier Morin, Guillaume Tremblay. On a fait « Clotaire Rapaille », l'Opéra Rock. On a fait « L'assassinat du président ». Puis ça a connu un assez bon succès. Ça a très bien marché. Mm-hmm. On est super contents. Puis c'était repris à plusieurs à certaines oui, reprises oui, aussi. Oui, oui, oui. Ben, Clotaire, on le roule depuis 2-3 ans. Là. Ça marche quand même bien. J'avais travaillé avec Sarah Bertium sur Ville Morte, avec Géraldine aussi. On faisait la musique de show là, live. Je me suis vraiment promené. J'ai participé un petit peu au High Show aussi. J'ai fait un show pour le Prospero. Une couple d'affaires comme ça. Mm-hmm. Puis sinon, j'étais souvent en studio aussi avec plusieurs artistes différents à faire de la réalisation, de la prise de son, des arrangements. On peut nommer des noms peut-être, hein? Il y a Maud, entre autres. Non, pas le droit. Non? Okay. Oui, il y a Maud. D'ailleurs, on joue cette mm-hmm. semaine avec Maud le 20 au Labo. Labo qui était pour le bénéfice des auditeurs. La Taverne Jarry. C'est ça, à côté du métro Jarry, sur Jarry. Ouais. Maud Ludopin, avec qui j'ai joué beaucoup aussi cette semaine, la semaine passée, dans le cadre de Coup de cœur, on avait une petite tournée aussi. Je suis allé souvent en France avec Ludo. Cool. Ben, en fait, je suis allé en janvier, je suis allé en octobre aussi. Je me suis promené pas mal, bref. Tu as travaillé aussi avec Thierry Brouillard. Aussi, ben, lancement il y a quelques mois, en tout cas. Oui, hein? Okay. En fait, c'est ça, je vais peut-être avoir l'air sénile, mais on dirait que je me souviens plus de tout. J'en ai fait quand même. En fait, dans les 4 années où j'ai pas sorti d'album, j'ai quand même travaillé sur une douzaine d'albums d'autres artistes, plus des EP aussi. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je perds pas le fil quand je travaille dessus. Sauf que j'ai pas une liste qui me vient en tête absolument là. Est-ce que ça te manquait de travailler ta propre musique? Ben moi, j'ai continué tout ce temps-là quand même. J'ai pris des pauses là, parce que j'avais beaucoup de travail, mais j'ai toujours continué d'avoir un petit peu ce projet-là en background, mais qui était devenu plus mon espèce de passe-temps de... Quand j'avais le temps de faire du Navet Confi, c'était comme mon petit candy. Dans le fond, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec 3 nouveaux albums. T'avais négligé un petit peu ton projet. Ben oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis tu sais, vu que j'ai pas beaucoup de temps pour sortir les trucs, j'ai décidé de toutes les sortir en même temps, puis de faire une grosse opération Navet, puis après on verra qu'est-ce qui va se passer. Opération Navet, beurre de peanut. Puis c'est ça, j'avais déjà commencé à travailler, mettons, sur La Vérité sur Noël, pas mal, tout de suite après LP3. Puis j'ai dû fermer la confiserie, en tout cas, il y a eu un paquet de bordel avec le label. Donc après, ben j'avais un album, mais j'avais plus de label pour le sortir. Puis au lieu de le sortir indépendant, sans moyens, sans façon de le promouvoir ou quoi que ce soit, ben j'ai cherché. Ce qui a fait que j'ai continué d'écrire aussi, donc ça Tu trouvais déjà avoir un album sous le bras, on peut dire. Oui, mais c'est ça. Puis Au début, c'était pour me trouver un label avec cet album-là, mais finalement, j'ai fini par écrire encore ben d'autres chansons. Puis on peut peut-être parler de qu'est-ce qui a fait que finalement tu sors ta musique. Tu disais là, en entrevue ou en spectacle là, que c'est la rencontre avec le label La Meute. Oui, ben en fait, t'expliques comment ça s'est passé peut-être. Ça faisait longtemps que je cherchais un label comme ça. C'est rendu rare. Les gens, en tout cas, je peut-être que je suis pas allé cogner aux bonnes portes, là, mais... Ou peut-être des portes que tu voulais pas cogner ouais, aussi. Oui, ouais, c'est sûr, là, mais je suis vraiment content d'être tombé sur eux. Puis c'est via mon agente chez la Royal Electric. Puis je connaissais déjà Martine Groux et Audrey La Jeunesse. C'est pas des nouveaux, là, quand même, sur la scène locale. Non, c'est ça. Le label est nouveau, mais c'est des gens d'expérience, c'est des gens de mon âge, puis on se comprend bien. C'est vraiment facile de travailler avec eux autres, puis c'est efficace aussi, puis je trouve ça merveilleux. Là. Et est-ce que t'as déjà eu, pendant tous ces mois-là, ou ces moments où tu cherchais un label, le goût de repartir quelque chose? Parce que t'avais déjà eu un label auparavant, ouais, Dry and Dead aussi. J'ai pensé pendant 5 minutes, puis je me suis découragé, puis j'ai fait une dépression après. Non, mais après avoir je trouve ça... Ben quand j'ai eu à fermer la confiserie, ça m'a vraiment fait quelque chose, puis... Après, quand je me suis mis à faire plus de réalisation puis d'être plus du côté artistique plutôt que de la production, j'ai comme plus envie jamais de refaire de production. Surtout, en fait, présentement, ça fait longtemps que c'est le même de toute façon, mais c'est juste qu'il n'y a pas de modèle d'affaires ou il n'y a pas de modèle de mise en marché d'album vraiment viable pour des artistes un petit peu plus en marge qui jouent justement ici ou puis il y a de moins en moins de médias qui s'intéressent à ça parce qu'ils sont tout en train de fermer ou de réduire puis leur tu l'as vécu un petit peu aussi là. Hein, oui, puis c'est ça, moi j'étais tanné d'essayer de tu sais en tant que producteur dans le fond, tu mets en marché les albums de d'autres personnes puis tu leur dis on va mettre ça là, on va faire la promo à telle place, puis on va essayer d'en vendre tant, mais tu peux pas faire des promesses comme ça, parce que c'est tellement un hasard, ces affaires-là. Des fois, c'est sûr que ça aide quand t'as des moyens pour promouvoir ce que tu sors, sauf que ça reste que c'est le public à la fin qui décide, puis le public, on dirait qu'on sait plus par quelle voie le rejoindre, tu sais, c'est-tu les spectacles? Ben non, c'est vide des concerts de Montréal. C'est-tu genre la pub? Ben, tu sais, il y en a qui achètent de la pub. On voit si ça fait un effet ou non, mais tu sais, c'est tellement un guess tout le temps que j'étais plus capable de travailler dans le guess de même. C'est toujours en voulant rester intègre aussi, de pas prendre des avenues que t'aurais pu prendre aussi. Oui, puis je voulais pas non plus promettre des choses aux gens que j'étais pas sûr que j'allais pouvoir livrer. Fait que j'ai aimé mieux me retrancher dans mon studio garde-robe. L'entrée. Ouais, ben le Sushi Cat Studio maintenant. Ah, OK. Rebaptisé. Et de quoi donc t'as consacré sur le côté artistique, puis laisser le côté administratif, subvention, tout ça. Oui, puis j'adore ça. Qui connaissent parce que tu vois, je travaille plus intimement avec les artistes. On rentre dans leurs chansons ensemble. Je suis souvent avec des artistes qui n'ont pas nécessairement déjà un groupe qui les accompagne. Ou ben non, qui ont un ou deux musiciens. Fait qu'on travaille beaucoup en équipe réduite. Puis c'est vraiment cool la proximité qu'on est capable d'atteindre avec cette manière de fonctionner-là. Puis moi, ça m'ouvre tout le temps vers des chemins que j'aurais pas pris nécessairement parce que justement, c'est des rencontres où il y a beaucoup d'échanges de « OK, moi, j'arrive avec ce background-là, mais l'artiste va arriver avec un autre background. » Complètement, on se fait écouter beaucoup de choses, on s'inspire de telle affaire, mais il y a des choses que j'aurais jamais... entendu. C'est par là que je découvre de la musique maintenant, dans le fond, en travaillant avec d'autres. Tes collaborations. Oui, c'est voilà. Puis c'est quoi le critère quand tu collabores avec un artiste? L'argent. C'est une joke. C'est ce que j'attendais comme réponse, là. C'est surtout donc la rencontre. Si ça clique, ça va... Ben, moi, je faut que je sois passionné parce que quand je me mets à travailler sur un projet, ça peut être très long, des fois. Quand on part, mettons, de la pré-prod jusqu'à la fin du mix puis au mastering, on n'est pas à temps plein, mais des fois, ça peut durer quand même un an et demi sur certains projets. Fait que je pense, mettons, à Coup Coupé ou qui est l'ancien Jérémy Mourant. Qu'on a eu l'occasion d'entendre. Oui, quand même. Ouais, puis ça s'est étendu sur une longue période, puis mais j'ai jamais comme... était tanné, on dirait, de travailler sur cet album-là. C'était juste trop trippant. C'est des coups de foot, dans le fond. Mais oui. Des relations ouais, qui ont une fin quand même destinée. Un projet en amène souvent un autre aussi, comme les rencontres de musiciens, finalement. Bon, puis j'ai été chanceux dans les dernières années où j'ai pas manqué de travail, premièrement. J'en ai eu vraiment beaucoup de même. je m'en suis donné beaucoup aussi, là. Mais j'ai eu les offres, les demandes, en fait, rentraient beaucoup. Puis moi, j'étais enchanté de tout ça. Ça continue. Oui. Bon, super. Tu disais que quand tu rencontres des artistes avec qui tu travailles, ils te font découvrir leur univers musical. Oui. T'as amené, je te demandais d'amener peut-être justement des chansons des artistes que oui. tu écoutes ces temps-ci. Il y en a un premier, tu me dis qu'il vient de France. Je vais attraper oui. la pochette. Ben, en fait, Voline. Voline. Donc ça a l'air que ça se prononce comme ça, mais ça s'écrit Volin. C'est V-O-L-I-N. Oui. Artiste français, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Ben, ils viennent de Montpellier, puis je les ai rencontrés, en fait, quand je tournais avec Ludo. On a joué sur une péniche à Paris. Quand même. Sur la scène. Puis c'est un power trio de musiciens malades. Ils sont vraiment écœurants. Puis là, j'essaie de faire des pressions sur Laurent Saulnier pour qu'ils invitent aux Francopholies ben oui. cet été. C'est rare, les nouveaux groupes français jeunes qui chantent en français, premièrement, puis qui sont aussi, selon moi, en tout cas selon mes critères, que je trouve aussi bons. Pertinent aussi, ouais. intéressant. Okay. Puis c'est ça, il y a un petit côté grungy, un petit côté Thomas Fersen dans la voix, aussi dans le grain de voix. Mm-hmm. Beaucoup d'affaires pour me plaire, finalement. Là. Donc ça, c'est une très belle rencontre. Super. Ce que tu nous as amené, c'est une espèce de EP, donc 5 chansons. Oui. Qui semble être en écoute sur le volin.bandcamp.com. Oui, ça se trouve facilement. Ouais, super. Super. Oui. Donc, on va entendre la chanson 4. Caroline. Oui, super. Voilà. Choix de Navet Confit. Ensuite, on va entendre une autre chanson. C'est Gab Paquet. Oui. Un gars qui ouvrait ton spectacle de lancement samedi dernier. Oui. On en reparlera tout de suite après. D'accord. Donc, on commence avec Volin, Caroline sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. D'un sourire, toujours le même phare. Elle n'a pas l'air d'être calme. Ça tangue un peu trop dans sa tête, mais quand elle va. Quelques traits. joujou made in China, un cœur en plastique, un masque en plastique, de la neige synthétique, un petit Jésus chinois, un petit Jésus chinois, une crèche made in China, papier d'emballage en plastique, pâté chinois, rouge à lèvres synthétique, Père Noël en plastique, cochonnerie chinoise, un disque en plastique, des paroles en plastique, de la musique synthétique, un chanteur chinois, des feelings made in China, un sourire en plastique, des émotions synthétiques, du cinéma chinois. Vous venez d'entendre le choix de Navet Confit. C'était Gab Paquet, artiste de Québec, qui était en spectacle samedi dernier pour le spectacle lancement des nouvelles chansons, des nouveaux albums de Navet Confit. Et Gab Paquet, qui est surnommé le Mario Pelcha de Saint-Roch. Oui. Ouais. Et Navet Confit, comment ça s'est fait, l'invitation? J'avais le choix de ma première partie, puis j'ai vraiment insisté pour que ce soit Gab Paquet parce que je l'adore. Ça fait quelques années que je le connais. Je suis pas capable d'expliquer pourquoi j'aime ça. C'est vraiment... C'est un plaisir coupable, hein, faut le dire. Non, c'est ça. Super intelligent. Je trouve que c'est un poète. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent, ah, mais c'est de l'humour. Mais non, moi, je trouve pas... Tu sais, c'est drôle, mais c'est pas juste drôle. Il y a quelque chose vraiment... dans le deuxième degré, qui prend toute son ampleur sur scène aussi, quand tu vois les musiciens. Puis, on peut, exemple, pousser l'analyse en disant qu'il y a même quasiment des critiques sociales. Sous-jacent. En dessous que ça se passe. Puis sur le dessus, c'est de la crème. C'est du crémage dégueulasse avec des petits bonbons. Tous les sons de clavier interdits. Tous les genres de réflexe vocal poche de Star Academy ou c'est très étudié, c'est un beau travail qu'il fait sur cet album là. On disait tout à l'heure un peu même du Francis Cabrel, tout ça là, tu sais, c'est vraiment la grosse affaire. Puis on peut peut-être inviter les gens qui l'ont juste entendu sur disque vraiment le voir en spectacle parce qu'il y a une autre dimension plus rock qu'éteint encore plus. Là, Eric Lapointe avec des solos de guitare dans le tapis là. C'est ça. Il y en a déjà sur l'album, mais on dirait que ça donne encore plus l'ampleur sur scène. Tout à fait. Donc Gab Paquet. C'était la chanson qu'on a entendue, c'est laquelle déjà? Chinoiserie. Puis juste avant, c'était Volin, groupe français. Voline. Avec Carole-Caroline. Carole-Caroline. Putain. Voilà. Jean-Philippe, alias Navet Confit, on a parlé de tes trois albums qui ont chacun un nom. Oui. Est-ce que, on t'a parlé déjà du premier, qui La vérité, vérité sur Noël, Noël. Que tu traînais depuis longtemps. Oui. Est-ce que tu as une identité distincte oui, chaque oui, album? Oui, parce que sinon, ça aurait été probablement un genre d'album trip. Mm-hmm. Mais j'ai décidé d'en faire trois albums différents. Explique-nous, comme des enfants, quelle est la personnalité de chacun de ces albums. Ben, en fait, non, c'est ça. J'ai écrit aussi sur mon site web d'écouter avec modération, hein, parce que je veux pas que les gens ils se tapent des dépressions à cause de moi. Donc, le premier, La vérité sur Noël, pour moi, c'est comme, ben, comme tu dis, comme j'ai dit tantôt, c'est un album que j'avais fait il y a un petit peu plus longtemps. Des tunes un peu plus pop, en tout cas selon ma vision des choses. Ça évidemment, il y a encore ouais. du monde qui trouve ça fucké. Là. Ça prend pas grand-chose pour être fucké, on s'entend. Dans LP5, l'univers radiophonique, ouais, c'est ça qu'on connaît de Star Academy. Ouais. LP5, c'est un feel-bad album. C'est un album qui accompagne bien tous les échecs. Autant professionnel, personnel, des problèmes de santé, etc. Si vous avez, vous filez pas bien puis vous voulez vous bercer dans ce malheur-là, c'est l'album parfait pour ça. Donc, on voit qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose, qui sont, ben, qui sont aussi tristes. Ouais. Oui, c'est ça. C'est comme on se compare, on se console. Ouais. Et sinon, LP6, je suis même pas capable de te dire le titre au complet. Je le sais pas par cœur. Ah, veux-tu que j'aille? Est-ce que tu l'as? Oui, t'as un petit peu. Oui. C'est au moins quelques oui, personnes ça. Et ou compagnies et ou médias prennent non. encore le risque de promouvoir la diversité dans l'industrie de la musique au Québec en 2013. Ou, parenthèse, si je ne vends pas 500 copies, j'arrête de faire de la musique. Fin de la parenthèse. Oui, puis c'est fait. En fait, il y a du monde qui prennent ça au sérieux, mais c'est une joke parce que de toute façon, il est gratuit, cet album-là. Fait que je peux pas vendre 500 copies. Puis je vais continuer ouais. à faire de la musique. Tout à fait. Mais c'est parce que c'est des fois, il y a du monde qui dit ça pour vrai dans... Puis avant, c'était 5000, maintenant, c'est rendu 500. Oui, parce qu'on a même rabaissé hein, le disque d'or, c'est, ouais. c'est rendu quasiment... Ben c'est, je pense que c'est 10 000 de moins qu'avant, là. Ouais, c'est comme c'est 40 000 au lieu de 50 000. Parce qu'il y avait un malaise, puisqu'il n'y a plus personne qui le gagnait. C'est là. Un genre de clin d'œil au découragement que certains musiciens peuvent avoir, mais en étant conscient du milieu dans lequel tu évolues puis du genre de musique que tu fais, des fois, c'est juste comme... inutile de perdre de l'énergie à se décourager mmh. là-dessus. Il faut juste continuer de faire ce qu'on veut. Puis, ceux qui ont le goût d'en parler vont en parler de toute façon. Puis même s'il y en a de moins en moins, ben, c'est en train de plus en plus, dans le fond, de se diriger vers des médias plus numériques. Donc, il y a plus de blogs qui vont parler de nos trucs que de radio ou de journaux plus officiels ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ça se vaut, tu sais, c'est du bouche à oreille, etc. Toi qui es un vétéran maintenant, la scène locale. Ah oui, un vétéran. Ben, on a mis l'accent pas mal sur le fait que ça fait à peu près 10 ans, c'est ça que tu ouais. fais, sous l'invée confiant, en tout cas, de la ouais. musique. Tu baignes tout ça dans la scène locale. Est-ce que tu as vu un changement dans la peut-être l'attitude des gens qui font de la musique? Ben oui. Moins de gens qui veulent en faire carrière? Ou ben moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu l'âge d'or de la scène locale. Ce qu'on appelait l'émergence, que j'aime vraiment pas, là, mais... Attendre la suppresse, tout ça, là. Ouais. Ben oui, c'est ça, tu sais, local distribution, le rise and fall of the... c'est éphémère. Of the émergence. En fait, puis on le voit aussi, mettons, au gala de la disque ou etc., tu sais, ça, c'est un bon baromètre, je trouve, pour voir qu'est-ce qui s'est rendu un petit peu plus loin dans, chez le grand public, qu'est-ce que c'était... Dans le fond, quand j'ai sorti mon premier album, c'était en 2006, le premier album complet, là. 2006, ouais, c'est ça. Malajube avait sorti Trompe-l'œil. Carquois avait sorti, je me souviens, le volume du vent, quelque chose comme ça. C'est comme. Il y avait une grosse vague. Il y avait comme une grosse vague de popularité de la scène locale dans ce moment-là. Puis justement, c'est là où est-ce que. Ben, y a l'année où est-ce qu'il y a eu le plus de comme d'intrus à la disque, si tu veux, de monde qui aurait pas été là normalement. Mais on dirait que là, toute l'industrie a fait comment, c'est cool. Tu sais, j'ai essayé de m'approcher pour partir un label, etc. C'est pas le genre d'affaire qui serait arrivé si Malajube avait pas sorti Trompe-l'œil. Malajube a fait beaucoup de travail pour beaucoup de musiciens, beaucoup de défrichage. Puis, par contre, c'est vraiment... On voit les modes qui passent à travers la grosse industrie. L'année d'après, c'était rendu country qui était à la mode, tu sais. Puis l'émergence, on s'en sacrait complètement. Fait que c'est la saveur du mois dans le fond, c'était plus de l'année. De l'année. la saveur du gala de du l'année. Du gala, c'est ça. Puis là maintenant, là on est. Comment tu écrirais le? Bon, je sais plus. Pelle, là, moi, je suis plus capable de. Je comprends plus rien. D'ailleurs, d'ailleurs, t'en as un peu. T'as eu pas mal de monde un petit peu avec le lancement. le faux lancement oui, mardi dernier. Oui, on a fait dernier. Un faux lancement. En fait, il y avait un communiqué. Moi, en tout cas, j'étais super intrigué. Hein. Mm-hmm. Tu collaborais avec un chercheur qui a fondé, oui. qui a fondé un institut de recherche oui. sur la... Peux-tu, comment ça s'appelait? L'industrie d'analyse de... Voyons, de l'industrie de la musique. IAM. Mais j'avoue que j'aime peut-être un petit peu débarquer quand on a dit... on t'a qualifié de... un qualificatif très, qui était très connu peu, du grand public. Ouais, c'est ça qui était un petit peu... Mais, ouais, mais c'était pas vrai, hein? Je trouvais fort un peu. Tu vois, le Jean Fauché de l'institut, c'est mon ami Guillaume Tremblay qui joue dans les shows de théâtre de Clotaire Rapaille puis de l'assassinat du président. Puis c'était une conférence bidon qu'on donnait... pendant le forum sur les musiques émergentes et indépendantes. C'est ça qui rendait ça plus crédible. Oui, en fait. c'est ça. Mais on s'est contribué au débat. Là, on ouais. s'est greffé un petit peu sournoisement. À la programmation. Au forum. Puis, en fait, c'était un petit peu... c'était pas méchant, c'était très bon enfant. Mais c'était pour faire justement des blagues un peu sur l'industrie, qui sait plus où est-ce que ça en va, que justement, comme on disait tantôt, qu'il n'y a pas de format mm-hmm. Maintenant de mise en marché régulier, que tout le monde essaye plein d'affaires, puis qu'on a mm-hmm. l'impression des fois d'avoir la nouvelle solution, mais que ça dure 2 semaines. Puis tout se résume souvent et trop souvent, à mon avis, à un tableau Excel. Puis qu'on parle mm-hmm. jamais de musique quand on parle de cette industrie-là, puis pourtant c'est la base de cette industrie-là, la musique. Donc c'est un peu une critique finalement, mais avec un sourire en coin. Puis une petite attaque aux pseudo-experts. Oui. D'avoir des solutions. C'est ça. Sinon, avant qu'on rentre un autre de tes choix, j'avais une question que tout le monde se pose. Laquelle? Louis-José Houd, c'est quoi le problème? Pourquoi? Mais je l'aime pour vrai, Louis-José Houd. Hein? Oui. C'est même pas sarcastique dans la chanson. Mais non, on sent. Ben non, mais je sais pas pourquoi j'ai écrit cette chanson-là, sincèrement. Mais tu sais que ça va faire réagir, là. Ben, ça fait déjà réagir. J'ai beaucoup de monde qui me parle de celle-là. Elle accroche beaucoup. C'est sûr qu'avec un titre comme ça, ça... Mm-hmm. Puis un refrain aussi accroche. Mais c'est aussi. C'est pas... je pense... J'ai pas fait ça pour avoir plus d'attention. Là, je l'aime sincèrement. Puis... Mais je trouvais ça drôle. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. À un moment donné, je me sentais vraiment probablement comme de la marde. Puis je me disais, lui, il est bien mieux que moi. Puis... Puis sa vie, elle va super bien, puis on a le même âge, puis lui, il a réussi, puis moi, regarde... Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Encore? J'ai l'impression de payer mon loyer, puis je sais pas trop, c'est parti de cette comparaison niaiseuse-là, puis c'est devenu un hymne. Puis on lui a demandé de jouer de la batterie, il avait pas le temps. Pour de vrai. Il avait pas le temps, entre guillemets, je sais pas si... Pas intéressé. Je sais même pas si ça s'est rendu de son agent à lui. Mais, puis on lui a présenté ça vraiment d'une façon très très polie, mais très poussée aussi sur le côté, sur le plan artistique, en parlant du concept de la chanson, etc. Mais bon, ça s'est pas fait, mais j'espère qu'un jour, je vais être capable de jouer la chanson avec lui. Puis il est au courant, donc il embarque, là, totalement. Ben, j'ai pas eu son approbation. C'est pas j'ai une pas marque, demandé. C'est pas de marque réservée, de toute façon. Non, je pense pas. D'accord. Bon, voilà la parenthèse clos. On y va avec ton troisième choix, cette fois-ci. Oui. David Lynch. Oui. The Big Dream. Oui. David Lynch, on connaît surtout comme réalisateur. Ben, moi, j'adorais déjà ses films. Ouais, mais il joue de la guitare aussi. Ah, puis il chante aussi. Oui, puis, oui. Quand j'ai su qu'il allait sortir un album, j'étais enchanté. Puis quand je l'ai écouté, je l'étais encore plus parce qu'il y a une espèce d'ambiance. Ben, en fait, ça, c'est son deuxième album. Ouais, le premier, c'était en 2011. Ouais, mais il y a quand même, tu sais, ça se rapproche. Les deux albums sonnent quand même similaires. Ceux qui ont aimé la série Twin Peaks, je pense qu'ils peuvent se retrouver okay. facilement dans la musique de Lynch. C'est l'espèce de blues angoissant, très sombre, très sale, avec en tout cas, on parle de modern blues en tout cas sur la petite fiche là, mais c'est pour nous mettre des mots là. Ben il y a un côté électro aussi à ce qu'il fait, puis toujours un traitement sur sa voix qui est super, elle est très texturée parce qu'il y a une voix ultra nasillarde qui est pas super agréable, mais en même temps moi j'aime les voix imparfaites, fait que j'aime bien ça. Là. Super. On voulait faire jouer la collaboration, le featuring entre guillemets de Lucky Lee, mais malheureusement on n'a pas l'édition spéciale. On va se contenter de la chanson qui s'appelle qui la Are Louisiane. You sure? Are you sure? Are you sure? De David Lynch, et on revient pour avec Navet Confit après. C'est toujours à l'écoute de CISM, l'émission Le Terminus. Stand up and be a mountain power. of living things. River, like a hand. Jump up and be a cloud again. Rain upon the land. David Lynch, Are You Sure, tiré de son deuxième album, nouvel album qui est sorti plus tôt cette année, qui s'appelle The Big Dream. C'était le troisième et dernier choix de Navet Confit, qui est encore ici. Tu es encore là, Navet? Tout à fait. Donc, avant que tu quittes, peut-être tu peux nous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Y a-tu des spectacles? Écoute, on travaille plus à booker des shows pour le printemps prochain et l'été prochain. Okay. Là, c'était comme un gros coup avec tous les albums qui sortent en même temps, mais je vais avoir le temps quand même de monter un show puis de choisir mon répertoire avec l'ancien répertoire, le nouveau, etc. Fait que le show de lancement, c'est un avant-goût, mais là, on a un show aussi pour Noël dans le parc qui s'en vient. Dans quel parc? Je vais vous donner plus d'informations quand je vais revenir ici le 12 décembre faire une session live avec mes musiciens. Parfait. Super. Bon, mais merci d'être passé à l'émission. Mais merci à toi. On invite les gens à écouter ça. C'est sur navetconfit.com. Il y a vraiment tout sur le site navetconfit.com. Fantastique. Bien, merci d'être passé. On va se quitter avec une nouvelle chanson de, tu peux me dire, je l'ai prononcé mal, hein? Steven Malkmus. Malkmus. Ancien chanteur de Pavement. Yes, nous est sorti. Préféré. Sorti une nouvelle chanson cette semaine, s'appelle Laria. Et c'est le premier extrait d'un album qui sort en janvier prochain sur Domino. Hein, c'est un nouveau label. Avant, il était sur Matador, il me semble. Il va s'appeler Wig Out at Jag Bags. C'est le nom du nouvel album. On écoute ça à l'instant. On se reparle tout de suite après. Chariot could carry it across this void. you're not what you aren't. You aren't what you're not. You got what you want. You want what you got. People agree when they shave, don't they? Tennyson and venison and the Grateful Dead. It was mud, honey, summer, torture, mystics, double bummer. You're not what you aren't. You aren't what you're not. A love like oxygen, so foxy then, so terrific now. On a jape I'm returning, Bobby spinning out. I was so messed up, you were drunk and high, just a rambling wreck, coming off the brakes to see what was shaking. We grew up listening to the music from the best decade ever. Talking about the ADDs, we grew up listening to the music from the best decade ever. Vol de nuit, nouvelle chanson de Décibel, des filles de Grenoble en France. Et sauf erreur, je pense que c'est leur deuxième chanson seulement en français. Après, là, Il pleut des noix de coco qui était sorti plus tôt cette année. Et ils viennent de sortir également la semaine dernière un très très joli vidéoclip pour cette chanson. Vol de nuit qui était financé entièrement par leurs fans sur le site européen Ulule. Et donc, Vol de nuit de Décibel. Et juste avant, c'était Stephen Malkmus and the Jicks. La chanson de Laria, qui est un premier extrait d'un album qui s'en vient en janvier prochain. On a encore le temps pour peut-être une ou deux chansons. On va entendre de la formation Tyrannosaurus Vet, la chanson Misery Guts. Et par la suite, si on a le temps, ce sera Household et leur chanson Desperate Times. Tu es toujours à l'écoute de l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Desperate Times de la formation Household, extrait de l'album Items qui est paru en 2011. Et j'avais inversé les pistes, on va entendre à l'instant la chanson Tyrannosaurus, de la formation Tyrannosaurus Death, la chanson Misery Guts. Ce sera la dernière chanson de la soirée parce que l'émission en tire pas mal à sa fin. Reste à l'écoute, Romain Blouin s'en vient dans quelques instants avec l'émission Nous sommes les rockers. La liste des chansons que tournées ce soir, et vous pouvez également la réécouter l'émission de ce soir sur le CISM893.ca dans quelques instants. Et les archives de l'émission, elles, sont disponibles toujours sur leterminus.ca. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. On se reparle lundi prochain, 19h, pour l'émission Le Terminus. On se quitte avec donc la musique de Tyrannosaurus Death. À la prochaine. Ciao! Le site web de CISM a été remasterisé. Visite la nouvelle plateforme en te dirigeant au cism893.ca. Tu pourras ainsi écouter La Marge en direct sur ton ordinateur, ton téléphone et ta tablette. Ne manque plus tes émissions favorites grâce aux archives et à l'écoute sur demande. Gagne des billets en participant au concours, découvre de nouvelles émissions en lisant nos actualités, achète ta musique via notre palmarès, télécharge ton application mobile et beaucoup plus au cism893.ca. CISM893.ca, aucun algorithme, des centaines d'animateurs. Le monde dans tes oreilles. Que tu veuilles en savoir plus sur le nouveau deltaplane de Vladimir Poutine, la plus récente orgie de Dominique Strauss-Kahn, les balades à dos de licorne du camarade Kim Jong-un, la plus récente soirée Bunga Bunga de Silvio Berlusconi, ou encore du nouveau passeport de Gérard Depardieu. Le monde dans tes oreilles, c'est tout ce qu'il y a de plus pertinent dans l'actualité internationale. Les mardis de midi à 13h sur les ondes de CISM 89,3 FM. Étudier en France, au Brésil ou en Corée du Sud, dans le cadre de votre formation à l'Université de Montréal, c'est possible. Pour tout savoir sur les études à l'étranger, la Maison internationale vous invite à la Semaine de l'éducation internationale sur les campus de Montréal et Laval du 11 au 15 novembre prochain. À ne pas manquer, des tables rondes, une foire internationale où plusieurs pays seront représentés, une projection de film, un menu à saveur internationale et plus encore. Procurez-vous notre programmation sur le campus ou en ligne au www.maisoninternationale.umontréal.ca. La semaine de l'éducation internationale, du 11 au 15 novembre, c'est un rendez-vous. MGMT au Métropolis le 9 décembre. Avec invité spécial, Kuroma. Le nouvel album homonyme de MGMT est en magasin maintenant. Les billets sont en vente maintenant au 1-855-790-1245 ou sur evenco.ca. MGMT live en spectacle au Métropolis le 9 décembre. Présenté par Greenland et Evenco. CISM cherche à accueillir de nouvelles voix sur ses ondes pour la saison d'hiver. Et t'as pas besoin d'être étudiant ou d'être formé en animation. Tente ta chance en déposant ton projet d'émission avant le 29 novembre et peut-être que tu te retrouveras derrière le micro pour la saison d'hiver de CISM. Pour plus de détails, visite notre site internet au cism893.ca. Ici Pascal Bussière et Alex Nevsky. T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène? Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin. Profite de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la Relève. En participant, j'ai reçu de nombreux coups de pouce qui ont donné un fier élan à ma carrière. D'ici le 1er novembre, propose ton spectacle à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 19e édition de Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 2 au 19 avril 2014. Tous les jeudis dès 19h, c'est la session live dans les studios de CISM. Le jeudi 21 novembre, la session live reçoit Jacques Maure. Préparez-vous à une heure de musique en direct, d'entrevues, de choix musicaux et de découvertes en compagnie des artistes les plus intéressants du moment. Soyez au rendez-vous dès 19h sur les ondes du 89,3 FM, La Marge. La session live à CISM, une présentation de Solotech. Vous écoutez CISM 89,3 FM.